La lune de Barbizon. Blottis l'un contre l'autre, nous ne sommes même pas rendus compte que les portes de l'ascenseur étaient ouvertes. C'est la petite sonnerie juste avant qu'elle ne se referme qui nous ramène sur terre. De crainte qu'elle ne prenne froid, j'ai passé son étole sur les épaules de Nathalie. D'une main, j'en maintiens les pans fermés sur sa gorge, tandis que de l'autre, je la guide dans le couloir jusqu'à sa porte. Un petit subterfuge pour rester contre elle quelques minutes de plus. De sa pochette où elle cherche un court instant, elle extrait sa clé. La porte s'ouvre, elle s'efface, m'invite à rentrer. « Je voudrais vous montrer quelque chose. » Ses yeux bleus me scrutent comme si elle cherchait à deviner ce que je pense. Ne laissant rien paraître de mon trouble, je m'avance et j'entends la porte se refermer discrètement derrière moi. Surtout ne pas commettre le moindre impair qui pourrait lui donner à penser que je ne suis pas l'homme de parole qui a réservé deux chambres. Même s'il n'y a pas 10 minutes, elle était en train de m'embrasser passionnément. Parvenu au bout du vestibule, je m'arrête tandis que Nathalie accroche son étole à une patère et dépose pochette et clé sur la console. Elle passe devant moi, le regard neutre à un point que j'ai brusquement l'impression d'être en rendez-vous professionnel. 10 millions de questions se bousculent dans ma tête. Faisant mine de s'apercevoir que je ne la suis pas, elle se retourne et me tend la main avec un sourire dont je cherche désespérément à savoir ce qu'il cache. « Allons, venez !» N'êtes-vous pas curieux de savoir ce que je vais vous montrer? Après les heures très tendres que nous venons de passer sur la piste de danse, le ton est pour le moins impersonnel, presque froid. Je suis complètement déstabilisé. J'apprendrai avec le temps que Nathalie est une experte dans cet art qui consiste à prendre les gens à contre-pied. Davantage que sa fonction de diplomate, c'est son caractère facétieux qui ressort à ces moments-là. Je réponds, hésitant, « Si, bien sûr. » Ma main dans la sienne, elle me conduit au centre du salon vers le bow window dont les rideaux sont grands ouverts sur un ciel clouté d'étoiles. Tout en haut, dans l'angle de l'immense verrière, la lune à son premier quartier nous fait un clin d'œil complice. Me tenant toujours par la main, elle passe entre un des fauteuils et le grand canapé à méridienne pour s'immobiliser devant la table basse. Sur la table, un plateau, deux flûtes de cristal, un seau garni de glace et d'une bouteille d'un grand champagne millésimé. Tout à côté, une très belle boîte, savamment emballée dans un papier rouge et un ruban doré. Posée sur la boîte, une enveloppe de ce bleu que je reconnaîtrai entre mille. Nathalie me regarde avec un sourire radieux. « C'est pour vous, John. »« Pour moi ?»« Oui. À moins qu'il n'y ait un autre John dans cette pièce. » Je m'approche, hésitant. Ce n'est ni ma fête, ni mon anniversaire, ni quoi que ce soit d'autre. Sur l'enveloppe, mon nom savamment calligraphié de cette écriture que je ne peux oublier, pas plus que la couleur du papier. Pour John. Dans le froissement soyeux de sa robe, Nathalie s'assied sur le canapé et tapote la place à côté d'elle. « Don't be shy, John. It's just your test. » »« Ne soyez pas timide, John. C'est juste votre test. » Je m'assieds près d'elle et la regarde, les yeux ronds. « Mon test. »« Oui. Allons, ouvrez. » Sous son regard amusé, j'obtempère et retire de l'enveloppe une petite feuille pliée en deux. « Bonsoir, John. » Avant toute chose, encore un grand merci pour toutes vos attentions, pour cette suite somptueuse et pour cette robe, qui ne l'est pas moins. Je ne connais pas encore l'issue de cette soirée, mais je ne doute pas un instant qu'elle soit votre image, pleine de charme et de tendresse. Vous me permettrez cependant de vous soumettre à ce test que vous connaissez bien, puisque c'est vous qui m'en avez donné l'idée. Vous, ou plutôt votre marraine, qui, dans sa grande sagesse, n'en avait certainement pas exclu les hommes. J'ai déjà une petite idée du résultat concernant le champagne et le chocolat, mais cuit de l'assemblage des deux. À vous de me le dire, John. Tendresse, Nathalie. La feuille au bout des doigts, je ne peux en dissimuler le tremblement. J'articule péniblement. Merci, Nathalie. Merci du fond du cœur. C'est la lettre la plus adorable qu'il m'ait jamais été donné de lire. Vous êtes peut-être une fée, mais sûrement une magicienne des mots. Je me penche vers elle pour l'embrasser. Avec un sourire malicieux, elle pose un doigt sur mes lèvres. Tss, tss, tss. D'abord le test. Pour le bisou, on verra. Pendant que je m'emploie à déballer la boîte, avec des gestes gracieux et une aisance surprenante, elle débouche la bouteille de champagne et remplit nos flûtes. La boîte entre les mains, je m'étonne. Des chocolats de chez Fauchon, vous me comblez. Elle me tend une flûte pleine de bulles et délicatement, du bout des doigts, prend un chocolat dans la boîte que je lui présente. Son regard et sa question sont sans équivoque. « Un chocolat et un peu de champagne suffirait-il à vous combler ? » les yeux rivés au sien, je lui réponds. Ça, impossible de savoir sans faire le test. Cela ressemble à une sorte de communion. Ensemble, sans nous quitter les yeux, nous prenons une gorgée de champagne, puis, dans le même geste, ouvrons la bouche pour y accueillir le chocolat que nous échangeons. Encore une longue gorgée de champagne, un autre chocolat, puis, comme reliés par des fils invisibles, dans le même geste, nous posons notre verre devant nous. Nathalie avance doucement ses lèvres vers moi. Je pose mes mains sur ses épaules et je sens sa peau qui frissonne sous mes doigts. Sa bouche est douce. Tandis que je caresse ses épaules, son cou, sa joue, les tendres lèvres s'ouvrent doucement. Elle se serre contre moi, approfondit son baiser, sa langue cherche la mienne. Simultanément, le même frisson nous parcourt. Ma main descend doucement vers sa poitrine et lorsque je prends un de ses seins à travers l'étoffe de son bustier, elle ne se dérobe pas. Mon Dieu, quelle rondeur, quelle fermeté, j'en ai la tête qui tourne. C'est la première fois que nous nous touchons ainsi et en même temps que l'intense désir qui m'empoigne le ventre, je sens une immense douceur m'envahir. Mon cœur est en train de fondre et me dit ce qu'il n'a cessé de me répéter tout au long de la soirée. Il est trop tard, inutile de te débattre. Tu n'as juste qu'à profiter de cette tendresse qui t'a tant manqué. Tandis que je caresse son sein, du bout des ongles, elle frôle ma poitrine à travers ma chemise et ne s'interrompt pas lorsque, embrassant son cou offert, je lui demande « Avez-vous toujours mon petit mot sur vous ?» Ses yeux ne sont plus que deux fentes au travers lesquelles brille son désir. C'est une sorte de chat qui me répond « Maybe. Peut-être que oui, peut-être que non. » L'invite est, on ne peut plus clair. Je glisse un doigt entre étoffe et peau. Sa gorge est d'une douceur incroyable. En comparaison, le satin et la soie sont aussi rêches que la bure. Mon doigt se fait plus inquisiteur et rencontre, non pas le petit bout de papier, mais un téton plus dur et brûlant qu'un tison. Je persiste dans ma recherche et c'est bientôt un deuxième doigt qui rejoint le premier. Le téton roule entre mes phalanges. Nathalie gémit doucement, se cambre pour mieux s'offrir. Un troisième doigt s'invite à la fête et ce geste a un effet inattendu. Un petit craquement de couture malmené se fait entendre. Nathalie sursaute, se dégage, la main sur la bouche, l'air horrifié. « Jesus, la robe !» Elle se lève d'un bond, élevant un bras, puis l'autre, cherche désespérément à cerner le désastre. Quelque peu hébété, je suis resté assis. L'air interrogateur, elle me demande. « Il n'y a rien sur les côtés. Pourriez-vous vérifier derrière ?» Je me lève. Elle se tourne et me présente son dos. J'écarte ses cheveux et aussi consciencieusement que possible, inspecte la couture tout au long du zip gainé dans un pli du tissu. Verdict, rien. Tout est intact, je la rassure. Tout va bien, je ne vois rien. Nathalie a un petit rire et se penchant récupère les deux flûtes à moitié bu. Un toast à la chance. Puis me donner un petit bisou du bout des lèvres. Et aussi un toast pour nous. Après cette émotion, nous l'avons bien méritée. Je bois en même temps qu'elle, lui prend le verre des mains. De quelle émotion vouliez-vous parler? Pour toute réponse, elle s'écarte, fait quelques pas, éteint une à une les lampes du salon pour terminer par celle du canapé. « Je préfère. On ne sait jamais. Les voisins pourraient avoir des insomnies. Quel voisin? Il n'y a personne. Si, au fond du parc, juste derrière le rideau d'arbres, une petite maison. J'ai aperçu une lumière tout à l'heure en entrant. En attendant, nous sommes dans la pénombre, si tant est que pénombre il y a. Je distingue nettement Nathalie qui, d'un mouvement souple, se débarrasse une à une de ses chaussures. Il n'y a pas un seul nuage dans ce ciel nocturne de janvier, et bien qu'à son premier quartier, la lune éclaire la pièce comme en plein jour. Cette lueur mi-laiteuse, mi-bleutée donne un aspect irréel à tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Nathalie est une statue vivante et, comme en lumière noire, le blanc de sa robe chatoie. Mes yeux s'accoutument très vite à cet éclairage fantomatique qui est fait comme un halo d'argent à sa crinière d'or. Elle s'approche doucement de cette démarche particulière, accentuée par le fait qu'elle est pieds nus. Je crois observer que son talon ne touche pas le tapis. Seule la pointe du pied et la plante se déroulent au sol. Le pied se lève avant que le talon ne soit posé. Tout à coup l'image me revient, je sais où j'ai déjà vu cette démarche. C'est celle de toutes les danseuses classiques qui entrent en scène. Je n'ai pas davantage le temps de cogiter sur mes connaissances chorégraphiques. Nathalie est devant moi. Totalement accoutumée à cette lumière blafarde, je distingue maintenant parfaitement chacune des expressions de son visage, ses grands yeux légèrement ombrés, les deux fossettes de ses joues, et les ailes de son nez qui palpitent doucement. Arrivée juste devant moi, elle marque un temps d'arrêt, m'observe, puis, pivotant sur la pointe des pieds et soulevant sa chevelure à deux mains, me présente son dos. « Vous voulez bien ?» Ne me voyant plus et prenant mon silence pour une hésitation, elle croit bon de préciser « Juste pour éviter que cette fois la robe ne craque pour de bon. » J'ai le cœur qui bat la chamade et les doigts qui tremblent, mais parviens tout de même à trouver la tâche que je dégrafe et la fermeture que j'abaisse lentement. Le chuintement du zip me fait frissonner, mais ce que j'aperçois provoque une bouffée de chaleur qui m'empourpre les joues. La robe est entièrement ouverte et bâille largement du milieu du dos au creux des reins. Au creux des reins et même beaucoup plus bas. J'ai sous les yeux la réponse à la question que se posaient sans doute bien les hommes, et même des femmes tout à l'heure sur la piste, et que je dois bien leur connaître, je me suis posé aussi. Nathalie ne porte même pas de string, elle est nue sous sa robe. Comment suis-je certain qu'elle a perçu mon état d'extrême tension? Peut-être ce frisson qui parcourt son dos? Les mains tenant encore ses cheveux, et comme si elle lisait dans mes pensées, elle précise, d'une voix calme, « Il est impossible de porter quoi que ce soit sous ce genre de robe, hormis un string, ou des sous-vêtements particuliers que je n'avais pas. » Ses bras s'abaissent, ses deux mains plaquées sur ses seins maintiennent le haut de la robe, elle se retourne lentement vers moi. Elle me fixe intensément, comme si elle cherchait une réponse à une question qu'elle est seule à connaître, puis lentement lâche son bustier et passe ses bras autour de mon cou. La conséquence du geste est immédiate. Le tissu glisse doucement sur sa peau, et en une seconde, la robe n'est plus qu'une corolle blanche sous le tapis. D'un geste élégant et discret, elle l'enjambe et la repousse du bout du pied. Sa bouche est une coupe de miel et de feu. Je sens ses seins que plus rien ne retient pointé de rue à travers le mince tissu de ma chemise et mes mains animées d'une vie propre descendre le long d'un dos souple et musclé. Mes doigts parcourent une douce cambrure où ils retrouvent les mêmes fossettes que celles de ses joues, dernière frontière avant deux rondeurs à rendre fou peintre et sculpteur. Il doit être impossible de reproduire une telle perfection. Sous les paumes de mes mains, la peau de Nathalie frémit et se hérisse de mille grains. Je suis tellement perturbé par tant de beauté que la nature me trahit. Nathalie, plaquée tout contre moi et m'embrassant passionnément, s'en est certainement rendu compte et le fait même d'y songer me donne le coup de grâce. Elle libère mes lèvres, se recule légèrement et m'adresse un sourire d'une telle tendresse qu'oubliant tout ce qui n'est pas elle, je me sens littéralement flotter au-dessus de mon corps. Elle fait encore un pas en arrière, et malgré moi, mon regard s'abaisse lentement. Mon Dieu, quelle merveille! Je crois bien que j'arrête de respirer. Ses épaules que je connais déjà et ses deux seins lourds, pleins et fermes. Le ventre plat encadré de deux hanches, telles celles d'une amphore grecque, prolongées de deux jambes faites autour. Le chapiteau qui les couronne est ornée d'une toison d'or si ténue qu'elle est tout juste un duvet. L'émotion est trop forte. Ce que je ressens est au-delà du désir. Je sens mon cœur remplir ma poitrine au point qu'elle ne peut plus le contenir. Mes yeux sans but, il faut que je lui dise. Comme si elle savait, les yeux pleins de tendresse, elle avance un doigt, le pose sur mes lèvres. « Chut, John, ne dis rien. » Je n'ai même pas conscience qu'elle vient de me tutoyer, mais suis-je seulement conscient? Suffisamment en tout cas pour me rendre compte qu'avec de petits gestes doux, elle enlève ma veste et la pose délicatement sur le dossier du canapé. Ponctuant d'un baiser chaque bouton qu'elle défait, elle a tout fait d'ouvrir ma chemise. Elle en ôte le nœud papillon avant de la faire glisser doucement et de la poser à côté de ma veste. Elle s'arrête un instant, ses yeux allant de mes épaules à mon torse et comme si elle les sculptait elle-même, les effleure de la pointe de ses ongles. Le frisson qu'elle provoque s'accentue, alors qu'avec une infinie délicatesse, sa main descend le long de mon ventre. C'est la première fois qu'une femme me caresse avec une telle douceur, avec des yeux si tendres, si pleins de désir. À l'instant où elle défait la boucle de ma ceinture, la confusion qui montait en moi se dissipe pour faire place à une envie irrépressible de la prendre dans mes bras, d'être tout contre elle. D'un geste rapide, je me débarrasse de mes chaussures. Elle se baisse, pour faire glisser mes derniers vêtements, elle est si proche qu'elle ne peut plus rien ignorer de mes moyens retrouvés. Elle se redresse lentement, comme à regret, me frôlant de la pointe de ses seins. Lorsqu'elle marque une halte à mi-parcours, ma tension est à son paroxysme. C'est étendue et comme chauffée au rouge me brûle la peau. Puis elle reprend son ascension. Son visage arrive à hauteur du mien et je contemple celui d'un ange. Comment fait-elle pour exprimer dans le même temps désir fou, innocence, paix, douceur et joie? Joie toute simple d'être là dans les bras de l'homme auquel elle dit par son regard et chacun de ses gestes que pour rien au monde elle ne voudrait être ailleurs. Doucement, je prends ses lèvres qu'elle entr'ouvre pour me laisser goûter sa langue et nos bouches se mêlent en un baiser que chaque seconde rend plus torride. Je suis si tendu que cela en est presque douloureux et je ne peux retenir un gémissement lorsqu'elle me prend entre ses doigts. À mon tour de caresser son ventre si doux, et tandis que sa main monte et descend doucement, je fais glisser mes doigts sur sa toison. De toison il n'y a point. Juste comme je l'avais soupçonné, un duvet imperceptible dont je me demande sur le moment s'il n'est pas fait de fil de soie tant il est doux. Je voudrais prolonger l'instant. Mais les ondulations de ses reins et son souffle qui s'accélère me disent qu'elle exige un peu plus de hardiesse. Mon méduse descend encore et aborde le début d'une fente si humide qu'il y est prestement absorbé avant que d'être arrêté par la perle d'un bourgeon aussi dur que ses tétons. Je m'y attarde un instant, lui arrachant de petits gémissements, puis, sur une imbite de son ventre et de ses reins, me glisse un peu plus bas où une douce tiédeur m'accueille. Sa main autour de moi, mes doigts sur elle et en elle, c'est tout juste si nous bougeons, c'est tout juste si nous respirons. Nous restons longtemps ainsi enlacés, unis par nos lèvres et nos mains. Puis doucement, Nathalie se dégage et se tourne. Elle vient s'appuyer de tout son dos contre ma poitrine, contre mon ventre et lève lentement les bras en m'invitant à embrasser son cou, à prendre ses seins dans mes mains. Mes doigts caressent ses tétons dont je me demande un instant à la façon dont elle gémit s'ils ne sont pas douloureux tant ils sont durs. Elle pose sa main droite sur la mienne et la guide entre ses cuisses où, par de petits gestes délicats, elle me fait passer l'entrée du temple. La caresse qu'elle exige la fait tout d'abord frémir, puis gémir, et de seconde en seconde, de minute en minute, ses gémissements se changent en cris de plaisir pour finir par un spasme qui la secoue tout entière. Elle est lourde dans mes bras, et c'est bon de la tenir ainsi. À l'instant où je m'apprête à la soulever pour la porter dans la chambre, elle se retourne, m'embrasse, et me tenant toujours de sa main gauche, appuie son index droit sur ma poitrine, me faire reculer vers le canapé juste derrière moi. Recule ainsi, l'inévitable se produit. Je tombe assis de tout mon poids. Impossible de résister à cette douceur que mes doigts connaissent déjà. Mes mains sur ses fesses tendres et rebondies, je picore ses seins de baiser, puis enlaçant sa taille de mes deux bras, je pose ma joue sur son ventre. La soie de sa peau, ses mains dans mes cheveux, l'instant est si doux. Imperceptiblement, sans tout à fait m'en rendre compte, je glisse sur l'assise du canapé tandis qu'y posant un pied et arquant les reins, elle s'ouvre à mon baiser. Lorsque mes lèvres se posent sur elle et que je l'embrasse doucement, c'est comme si je cessais d'appartenir à cet univers. Je suis avec elle dans un monde de lumière où plus rien, ni personne, ne peut plus nous atteindre. Au-dessus de moi, ses allaitements s'amplifient. Elle tomberait en arrière si je ne la retenais de toutes mes forces. Dans un gémissement, je l'entends me dire « Pitié, John, je vais mourir. Oh oui, oh Jesus !» Ce sont les premières paroles prononcées depuis que, nue devant moi, elle me déshabillait. Juste avant, dans un instant de grâce absolue, elle me demandait « Ne dis rien !» Des soupirs aux gémissements, des gémissements aux soupirs, tout s'accélère et tout à coup, un léger cri, il se tétanise dans un dernier spasme. Elle se fait lourde et encore toute tremblante de l'orgasme qui vient de la secouer. Fléchit sur ses jambes, se met à genoux et me repousse doucement contre le dossier du canapé. On dirait que la lune, consciente de la magie du moment, a décidé de n'éclairer que nous. Alors que le reste de la pièce est dans une semi-pénombre, nous baignons de la lumière d'un autre monde, celui où nous sommes entrés lorsque nos doigts se sont effleurés rue d'Onou. Je sens confusément que quelque chose de plus grand que nous a posé sa main sur nos cœurs. Les yeux de Nathalie rêvés aux miens me disent que tout comme moi, elle s'imprègne de cette lumière dont chaque rayon est une promesse. Sa tête s'incline un peu, juste assez pour m'effleurer. Quelques baisers légers, et alors que je croyais mon corps déjà tendu à s'en nouer les muscles, je me laisse emporter par la sensation exquise de ses lèvres et de sa langue qui me prennent. Bientôt, dans cet océan de douceur, je suis tel un esquif ballotté par les vagues de sa bouche et de sa main. Au bout de longues minutes, parmi ces vagues, il en est une qui naît au creux de mon ventre. Elle enfle encore et prend de la puissance. Dans un coin de mon esprit où subsiste un reste de lucidité, je devine le haut fond sur lequel elle va se lever, déferler et tout emporter sur son passage. Viendra l'instant où je ne pourrai plus rien, où il sera trop tard pour la stopper. Appuyant mes mains sur ses épaules, je cherche à me dégager, mais elle est d'une force surprenante et de sa main libre me cloue sur le dossier de velours. Il est trop tard maintenant. La vague se lève, déferle, se brise, me jetant sur la grève où je viens mourir dans un râle. Elle me garde longtemps prisonnier de son baiser, puis, certaine que je ne me débattrai plus, parachève lentement son œuvre avant de me libérer. Son sourire est celui d'une femme heureuse de sentir en elle le goût de la vie qu'elle vient d'accueillir. Elle me regarde tendrement, et me caressant encore une fois, se redresse, vient s'asseoir et se blottir contre moi. Au creux de mon oreille, alors que je redescends lentement du paradis, elle murmure. « Tu as le goût du gingembre, c'est inattendu, mais tellement délicieux. » Je reviens doucement à la réalité. C'est un peu comme si je reprenais connaissance. Le premier sens à revenir est l'ouïe. Le deuxième l'odorat. Le troisième la vue et d'un seul coup le goût et le toucher. Tout cela un peu comme dans un rêve. Je suis dans ses bras et réalise enfin ce qui vient de m'arriver. L'émotion qui me submerge est telle qu'il m'est impossible de la contrôler. Mes yeux se noient de larmes. Nathalie sursaute, me prend par les épaules et me regarde inquiète. « John, ça ne va pas ? Qu'y a-t-il ? » Elle a pris une petite serviette posée sur le plateau et essuie mes larmes, me couvrant le visage de baisers. Elle ne sait pas si je l'ai entendue et, inquiète, répète sa question. « John, qu'y a-t-il ? » Je me redresse, la prends dans mes bras, la serre très fort. Puis l'index sous son menton lève son visage vers moi et la regarde au fond des yeux. « Nathalie, je ne sais pas comment te dire, mais c'est la première fois depuis très, très longtemps, en fait près de 20 ans, qu'une femme me caresse ainsi et que j'embrasse une femme de cette façon. J'avais oublié combien c'était tendre, combien c'était doux, combien c'était magique. Elle me regarde ébahie. « Mais John, tu as 40 ans et tu es marié, comment est-ce possible ?»« C'est tout simplement possible parce que la femme que j'ai épousée il y a 19 ans considère ses baisers, ses caresses-là comme une abomination. » Je vois les yeux de Nathalie s'arrondir de stupeur. « Seigneur Dieu, comment parler d'abomination là où il n'y a que tendresse et plaisir ?» Ce que je viens de lui avouer l'a manifestement perturbée. Elle essaie de reprendre ses esprits. Je sens passer comme une crainte dans son regard. Je l'embrasse et la rassure. C'était magique, d'une infinie tendresse. Je n'ai jamais rien ressenti d'aussi doux. À son tour d'être submergée par l'émotion, j'ai su le coin de ses yeux. Le sourire qui revient sur son visage est magnifié par le clin d'œil que nous fait la lune après s'être débarrassée d'un nuage auquel elle a signifié qu'il n'avait rien à faire ici. Elle caresse ma poitrine d'une main légère. « Attends, tu frissonnes et je n'ai pas très chaud non plus. Je vais chercher des peignoirs. » Elle se lève avec une souplesse et une légèreté qui me laisse pantois, tant il me semble quant à moi peser des tonnes. Éclairée par la lune, ses reins et son dos musclé qui s'éloignent vers la chambre sont d'une telle perfection que je ne sais s'il est possible de seulement les évoquer sans en altérer la beauté. Elle disparaît dans la chambre. Je suis perdu. Heureux comme je l'ai jamais été, mais perdu. Sans même me rendre compte que je suis nu, je me lève et avance vers le bow window. La réponse au tourbillon de questions qui emporte ma raison est peut-être dans les étoiles. Je n'ai ni vu ni entendu Nathalie revenir, mais sans sa présence derrière moi. Je me tourne à demi. Elle est là, immobile, qui me regarde comme si elle voyait je ne sais quoi de surnaturel. Je m'apprête à aller vers elle, sa voix n'est qu'un souffle. « Non, John, s'il te plaît, ne bouge pas, tu es si beau. Tu me fais penser au David de Michel-Ange. Maintenant, je sais pourquoi j'ai l'impression de ne rien peser entre tes bras quand nous dansions. Tu es magnifiquement musclé. » J'ai un sourire gêné. Pourtant, il y a 2 ans, nu devant toi, je serais mort de honte. Sa surprise n'est pas feinte. Ah, et pourquoi donc ? Parce qu'il y a 2 ans, je n'étais qu'un gringalet joufflu et bedonnant. Tu te moques de moi ? Pas une seconde. Elle a manifestement du mal à me croire. Je fais 2 pas, prends ses mains dans les miennes. Tu sais, pendant des années, je n'avais vraiment aucune raison de m'occuper de mon corps. Aucune raison, mais surtout aucune envie. Je pense qu'elle commence à comprendre. Ce n'est pas de la compassion que je lis dans ses yeux, mais de l'admiration. D'accord, et à quel miracle dois-tu cette métamorphose ? À un gros coup de colère, un soir, devant un miroir, avec mes joues et mon ventre rebondi. Le lendemain, je me suis inscrit dans une salle de musculation et 2 mois après, j'en étais à 2 heures par jour. Le début a été très dur, mais avec le travail, c'est devenu ma drogue. Je pensais pouvoir combler ainsi ma frustration. C'était une illusion. Elle me sourit. Tu es une très belle illusion et, tu sais, je suis sincère pour le David. Son regard s'abaisse, sauf pour un détail. Je dois subitement avoir l'air très inquiet car elle glousse en précisant. Oh, un détail sans importance, juste la toison. Excuse-moi, mais pourquoi n'as-tu pratiquement aucune pilosité ? Enfin, c'est tellement court. Posé comme ça, tout à trac. Sa question est plus que déstabilisante. Il faudra que je m'habitue à la spontanéité de Nathalie. Je bégaye. Parce que les gens, enfin, qui vivent sous les tropiques, se tondent pour éviter les mycoses. Elle rit, mais semble soulagée comme si je venais de lui dire que je n'étais pas un martien. Ah bon ? Parce que comme tu n'es pas un berbe, je ne comprenais pas. Ses yeux s'abaissent vers son propre ventre cette fois. Eh bien, ça veut donc dire que je suis faite pour vivre là-bas. Je n'ai rien sous les aisselles. Quant au reste, tu as pu te rendre compte que c'était, comment dire, symbolique. Pardonne-moi, je suis incorrigible. J'espère que je ne t'ai pas froissé. Je tiens à lui montrer que moi aussi je peux être pince sans rire quand on me donne l'occasion, mais pas du tout. C'est un sujet que j'aborde fréquemment, pour ne pas dire tous les jours. Elle rit, puis redevenant sérieuse, touchée. Mais mon Dieu, c'est vrai que tu es beau. C'est peut-être pour ça que tu me fais dire n'importe quoi. Ses yeux vont de son ventre à ses seins, de ses seins à son visage, puis redescendent vers son pubis. Tu es aussi très belle, Nathalie, et tu es, comment dirais-je, solaire. Oui, c'est ça, solaire. Elle est sensible aux compliments, mais ne peut se passer d'une pirouette. Solaire, tiens donc, t'aurais-je ébloui ? Oh, suis-je sotte ? Je l'aide à enfiler son peignoir, en profite pour frôler son corps et l'embrasser dans le cou. Non, je ne pense pas que tu sois sotte et je... À son tour, elle m'aide à passer mon peignoir, se serre contre moi, fronçant les sourcils. Tu voulais dire autre chose ? Je ne sais pas comment et surtout par où commencer, j'hésite. Le mieux est de dire ce que je ressens. Je ne fais jamais d'ordinaire. J'ai bien trop peur que l'on vienne saccager cette chose si fragile que je cache au fond de moi. Avec Nathalie, tout paraît si facile, si naturel. Il y a aussi le risque de l'effrayer et de briser net cette relation à peine éclose. Non, je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire. Être vrai, sincère. Tout est si beau avec elle. Je ne veux pas d'ombre entre nous. Tu sais, c'est compliqué. Et tout simple en même temps. Compliqué parce que je ne sais pas où je vais. Simple parce que je m'en moque. Nathalie écarquille ses grands yeux. J'avoue être complètement perdu. Je lui prends les mains. Vraiment ? Une petite voix me dit pourtant que nous ressentons les mêmes choses et ce, depuis que nos regards se sont croisés rue de nous. Si Nathalie était un homme, on verrait sa pomme d'Adam monter et descendre. Elle déglutit péniblement, prend un verre, boit une gorgée de champagne, repose le verre. Je lis la crainte dans ses yeux. Jones, ce n'est pas ce que je voulais. Mes doigts se mêlent aux siens. Et maintenant, le veux-tu ? Elle dégage ses doigts, prend ma tête entre ses mains et me fixe de ses grands yeux bleus. « Oui, je le veux, John. J'ai très peur, mais je le veux. Je ne veux rien d'autre que toi. » Puis le regard à demi baissé. « Comment est-ce arrivé ?» Je caresse ses cheveux. « Il ne doit pas y avoir d'équation pour ça. Je crois que nous ne sommes que 2 toutes petites choses entre les mains du destin. » Elle me sourit. « Destin, un des nombreux noms de Dieu. » À mon tour de sourire. « Alors, si nous ne sommes que 2 petites choses entre ses mains, il nous fait le plus beau cadeau du monde. À nous d'en user sans faire de mal à personne, parce que ce serait la négation du nom qu'on lui donne. De quel nom veux-tu parler, John ? De l'amour, Nathalie. » Ses beaux yeux se ferment, je la sens frissonner sous le peignoir éponge. Elle reste ainsi quelques secondes, puis les ouvre à nouveau. des milliers de paillettes dansent dans son regard. Alors, John, fais-moi l'amour jusqu'à la fin des temps. Avant qu'elle n'ait fini sa phrase, je la prends par les épaules, sous les genoux et la soulève. Elle croise ses deux bras sous ma nuque et laisse aller sa tête sur mon épaule. Dans mon cou, la caresse de son souffle est chaude et douce comme un zéphyr. Le cœur battant, je l'emporte vers la chambre, blottie au creux de moi. Lorsque je la dépose sur le lit, elle laisse ses bras noués sur ma nuque et m'entraîne en riant avec elle, sur elle. Nos mouvements désordonnés ont ouvert nos peignoirs. Un souple rétablissement, elle s'assied sur mon ventre. Emprisonnant mes poignets de ses deux mains, elle plaque mon dos au lit. Son rire s'échange en un murmure. Un chat qui ronronne. Elle lâche mes poignets, pose ses deux mains à plat sur ma poitrine et entame un doux massage allant des épaules au ventre. À chacun de ses mouvements, lorsqu'elle remonte ses mains vers mon cou, elle fait saillir ses seins dans la corbeille de ses bras, comme si à chaque fois elle me les offrait. Avec mon désir et le sien, l'émotion monte. Je le vois à ses yeux, comme elle le voit au mien. Elle interrompt sa caresse, me fixe intensément. Son regard est chargé d'amour, d'une tendresse infinie. « John, il faut que je te dise ce que j'ai dans le cœur. C'est trop fort. Il faut que je te le dise. » Elle prend une profonde inspiration, et là, même si je devais vivre 1000 ans, je n'oublierai jamais ces mots. « Je n'ai jamais désiré un homme comme je te désire, John. Ton corps est comme ton visage, très dur et très tendre. Chaque fois que tu poses les yeux sur moi, j'ai l'impression que ton regard me caresse. Lorsque tu me regardes, je suis nu. La première fois que je ressentis ça, c'était rue d'Onou, alors même que je ne te connaissais pas la seconde d'avant. Toute la soirée, j'ai eu des papillons dans le ventre, et quand nous nous sommes quittés à Mnufosh, ça n'a pas cessé pour autant. J'ai fini par m'endormir, mais dans mon sommeil, il y avait cette voix sourde et voilée qui murmurait à mon oreille, et surtout cette main pesante qui caressait mon cœur. Jamais je n'avais connu une telle chose. Je ne soupçonnais même pas que ça pouvait exister. Je t'aime, et je te désire de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Mon amour et mon désir ne sont pas faits que de joie, car une petite voix dans ma tête me dit que je suis folle et que je devrais m'enfuir loin, très loin. Mais la lumière que tu as allumée en moi m'emplit d'une certitude, c'est que quoi qu'il puisse arriver, jamais je ne regretterai l'instant où nous nous sommes rencontrés. Si je te dis tout ça, Jeanrine, c'est parce qu'en écho, j'entends ton cœur me dire la même chose. Elle allonge doucement son buste sur le mien, enfouit son visage au creux de mon épaule et murmure en mon oreille. « Je t'aime, John. Je t'aime et je voudrais que tu entres en moi. Que tu entres en moi et que nous restions là, sans bouger, jusqu'à vraiment ne faire plus qu'un. Après, et seulement après, tu pourras aller dans mon ventre et me donner ta semence. » Elle respire juste un peu plus fort et je la sens qui se cambre. Quelques légères hésitations et elle me prend en elle. J'entre dans un univers de soie et de douce tiédeur. Jamais encore je n'avais ressenti ça. Mes mains remontent vers son dos. Je l'enlace doucement, un bras autour de sa taille, un autre autour de ses épaules et lui dis dans un souffle « Je t'aime, Nathalie Lorlaine. » Et j'entends en écho « Je t'aime, Jeanrine. » Nous allons rester comme cela de longues minutes sans bouger jusqu'à ce que ses hanches se mettent à onduler. Elle s'est à demi dressée en appui sur ses mains de chaque côté de mes épaules. Son buste est immobile, seul le bas de son corps m'imprime une cadence d'abord lente, puis qui va en s'accélérant au fil des minutes, et à laquelle je réponds en décollant les reins des draps. Lorsque ce ne sont pas ses lèvres qui me débordent, c'est son regard qui me fouille jusqu'au fond de l'âme. La lune ne nous a pas quittés, elle est là, derrière la baie qui donne sur la petite terrasse. Je crois bien qu'elle nous a souri, lorsque de longs instants après, son cri et le mien mêlés, je lui ai donné ma semence. Je suis toujours en elle, lorsque nous nous endormons, le corps brisé, mais le cœur rempli de joie.